C'est de lui que mon cœur empruntera de l'aide. Et je sais, de mes mots, l'infaillible remède. Hé, là, là, revenez. Je quitte mon courroux. Il faut, nonobstant tout, avoir pitié de vous. Vois-tu, si l'on m'expose à ce cruel martyr, je te le dis, Dorine, il faudra que j'explique. Non, ne vous tourmentez point. On peut adroitement empêcher. Et voici Valère, votre amant. On vient de débiter, madame, une nouvelle que je ne savais pas. Et qui, sans doute, est belle. Quoi ? Que vous épousez Tartuffe. Il est certain que mon père s'est mis en tête ce dessein. Votre père, madame... A changé de visée. La chose vient par lui de m'être proposée. Quoi ? Sérieusement ? Oui, sérieusement. Il s'est pour cette hymen déclaré hautement. Et quel est le dessein où votre âme s'arrête, madame ? Je ne sais. La réponse est honnête. Vous ne savez ? Non. Non ? Que me conseillez-vous ? Je vous conseille, moi, de prendre cet époux. Vous me le conseillez ? Oui. Tout de bon. Sans doute, le choix est glorieux, il vaut bien qu'on l'écoute. Eh bien, c'est un conseil, monsieur, que je reçois. Vous n'aurez pas grand-peine à le suivre, je crois. Pas plus qu'à le donner, on a souffert votre âme. Moi, je vous l'ai donné pour vous plaire, madame. Et moi, je le suivrai pour vous faire plaisir. Voyons de ce qui pourra de ceci réussir. C'est donc ainsi qu'on aime. Et c'était tromperie. Ne parlons point de cela, je vous prie. Vous m'avez dit tout franc que je dois accepter celui que pour époux on me veut présenter. Et je déclare moi que je prétends le faire puisque vous m'en donnez le conseil salutaire. Ne vous excusez point sur mes intentions. Vous aviez pris déjà vos résolutions. Ah, il est vrai. Et vous vous saisissez d'un prétexte frivole pour vous autoriser à manquer de parole. Il est vrai, c'est bien dit. Sans doute. Et votre cœur n'a jamais eu pour moi de véritable ardeur. Hélas, permis à vous d'avoir cette pensée. Oui, oui, permis à moi. Mais mon âme offensée vous préviendra peut-être en un pareil dessein. Et je sais où porter et mes vœux et ma main. Ah, je n'en doute point. Et les ardeurs qu'excite le mérite. Mon Dieu, laissons là le mérite. J'en ai fort peu sans doute, et vous en faites foi. Mais j'espère aux bontés qu'une autre aura pour moi. Et j'en sais de qui l'âme, à ma retraite ouverte, consentira sans honte à réparer ma perte. La perte n'est pas grande. Et de ce changement, vous vous consolerez assez facilement. Je ferai mon possible. Et vous le pouvez croire, un cœur qui nous oublie engage notre gloire. Il faut, à l'oublier, mettre aussi tous nos soins. Si l'on en vient à bout, on le doit feindre, au moins. Et cette lâcheté jamais ne se pardonne, de montrer de l'amour pour qui nous abandonne. Ce sentiment sans doute est noble et relevé. Fort bien, et d'un chacun, il doit être approuvé. Et quoi, vous voudriez qu'à jamais dans mon âme, je gardasse pour vous les ardeurs de ma flamme, et vous visse à mes yeux passer en d'autres bras sans mettre ailleurs un cœur dont vous ne voulez pas ? Au contraire, pour moi, c'est ce que je souhaite. Et je voudrais déjà que la chose fût faite. Vous le voudriez ? Oui ! C'est assez m'insulter, madame, et de ce pas, je vais vous contenter. Fort bien. Souvenez-vous au moins que c'est vous-même qui contraignez mon cœur à cet effort extrême. Oui. Et que le dessein que mon âme conçoit n'est rien qu'à votre exemple. À mon exemple, soit. Suffit. Vous allez être à point nommé servi. Tant mieux. Vous me voyez. C'est pour toute ma vie. À la bonne heure. Hein ? Quoi ? Ne m'appelez-vous pas ? Moi ? Vous rêvez ? Eh bien, je poursuis donc mes pas. Adieu, madame. Adieu, monsieur. Pour moi, je pense que vous perdez l'esprit par cette extravagance. Et je vous ai laissé tout du long querellé pour voir où tout cela pourrait enfin aller. Hola, seigneur Valère. Et que veux-tu, Dorine ? Venez ici. Non. Non, le dépit me domine. Ne me détourne point de ce qu'elle a voulu. Arrêtez. Non, vois-tu, c'est un point résolu. Ah ! Il suffira me voir. Ma présence le chasse et je ferai bien mieux de lui quitter la place. Ah, l'autre, où courez-vous ? Laisse ! Il faut revenir. Non, non, Dorine, en vain, tu veux me retenir. Je vois bien que ma vue est pour elle un supplice et sans doute il vaut mieux que je l'en affranchisse. Encore, diantre, soit fait de vous si je le veux. Cessez ce badinage et venez ça tous deux. Mais quel est ton dessein ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Vous bien remettre ensemble et vous tirer d'affaire. Êtes-vous fou d'avoir un pareil démêlé ? N'as-tu pas entendu comme elle m'a parlé ? Êtes-vous folle, vous, de vous être emportée ? N'as-tu pas vu la chose et comme il m'a traitée ? Sottise des deux parts. Elle n'a d'autre soin que de se conserver à vous. J'en suis témoin. Il n'aime que vous seule et n'a point d'autre envie que d'être votre époux. J'en réponds sur ma vie. Pourquoi donc me donner un semblable conseil ? Pourquoi m'en demander sur un sujet pareil ? Vous êtes fous tous deux. Bon, ça, la main, l'un et l'autre. Allons, vous ? À quoi bon ma main ? À ça, la vôtre. De quoi sert tout cela ? Mon Dieu, vite, avancez ! Vous vous aimez tous deux plus que vous ne pensez. Bah, ne faites donc point les choses avec peine. Et regardez un peu les gens, sans nulle haine. À vous dire le vrai, les amants sont bien fous. Oh, ça ! N'ai-je pas lieu de me plaindre de vous ? Et pour n'en pas mentir, n'êtes-vous pas méchante de vous plaire à me dire une chose affligeante? Et vous, n'êtes-vous pas l'homme le plus ingrat? Pour une autre saison, laissons tout ce débat et songeons à parer ce fâcheux mariage. Dis-nous donc, quel ressort il faut mettre en usage? Nous en ferons agir de toutes les façons. Votre père se moque et ce sont des chansons. Mais pour vous, il vaut mieux qu'à son extravagance d'un doux consentement vous prêtiez l'apparence, afin qu'en cas d'alarme, il vous soit plus aisé de tirer en longueur cet hymen proposé. En attrapant du temps, à tout on remédie. Tantôt, vous payerez de quelques maladies qui viendra tout à coup et voudra des délais. Tantôt, vous payerez de présages mauvais. Vous aurez fait d'un mort la rencontre fâcheuse, cassé quelques miroirs ou songé d'eau bourbeuse. Enfin, le bon de tout, c'est qu'à d'autres qu'à lui, on ne vous peut lier que vous ne disiez oui. Mais pour mieux réussir, il est bon, ce me semble, qu'on ne vous trouve point tous deux parlant ensemble. Sortez et sans tarder, employez vos amis pour vous faire tenir ce qu'on vous a promis. Nous allons réveiller les efforts de son frère et, dans notre partie, jeter la belle-mère. Adieu. Quelques efforts que nous préparions tous, ma plus grande espérance, à vrai dire, est en vous. Je ne vous réponds pas des volontés d'un père, mais je ne serai point à d'autres qu'à Valère. Que vous me comblez d'aise. Et quoi que puisse oser... Oh, jamais les amants ne sont là de jaser. Sortez, vous dis-je. Enfin... Caquet est le vôtre. Tirez de cette part et vous tirez de l'autre. La foudre sur l'heure achève mes destins. Qu'on me traite partout du plus grand des faquins. S'il n'est aucun respect ni pouvoir qui m'arrête. Et si je ne fais pas quelques coups de ma tête. De grâce, modérez un tel emportement. Votre père n'a fait qu'en parler. Simplement... On n'exécute pas tout ce qui se propose et le chemin est long du projet à la chose. Il faut que de ce fat, j'arrête les complots et qu'à l'oreille un peu, je lui dise deux mots. Ah, tout doux! Envers lui comme envers votre père, laissez agir les soins de votre belle-mère. Sur l'esprit de Tartuffe, elle a quelques crédits. Il se rend complaisant à tout ce qu'elle dit et pourrait bien avoir douceur de cœur pour elle. Plût à Dieu qu'il fût vrai, la chose serait belle. Enfin, votre intérêt l'oblige à le mander. Sur l'hymen qui vous trouble, elle veut le sonder, savoir ses sentiments et lui faire reconnaître quel fâcheux démêlé il pourra faire naître, s'il faut qu'à ce dessein, il prête quelque espoir. Son valet dit qu'il prie et je n'ai pu le voir. Mais ce valet m'a dit qu'il s'en allait descendre. Sortez donc, je vous prie, et me laissez l'attendre. Je puis être présent à tout cet entretien? Point, il faut qu'il soit seul. Je ne lui dirai rien. Vous vous moquez? On sait vos transports ordinaires. Et c'est le vrai moyen de gâter les affaires. Sortez! Non, je veux voir, sans me mettre en courroux. Que vous êtes fâcheux, il vient. Retirez-vous! Laurent, serrez ma haie avec ma discipline et priez que toujours le ciel vous illumine. Si l'on vient pour me voir, je vais aux prisonniers des aumônes que j'ai partagé les deniers. Que d'affectation et de forfanterie. Que voulez-vous? Vous dire... Ah, mon Dieu, je vous prie. Avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Comment? Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées et cela fait venir de coupables pensées. Vous êtes donc bien tendre à la tentation. Et la chair sur vos sens fait grande impression. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte, mais à convoiter, moi, je ne suis point si prompte. Et je vous verrai nue du haut jusqu'en bas, que toute votre peau ne me tenterait pas. Mettez dans vos discours un peu de modestie, ou je vais sur le champ vous quitter la partie. Non, non, c'est moi qui vais vous laisser en repos, et je n'ai seulement qu'à vous dire deux mots. Madame va venir dans cette salle basse, et d'un mot d'entretien, vous demandez la grâce. Hélas, très volontiers. Comme il sera douci, ma foi, je suis toujours pour ce que j'en ai dit. Viendra-t-elle bientôt? Je l'entends, ce me semble. Oui, c'est elle en personne. Et je vous laisse ensemble. Que le ciel, à jamais, par sa toute bonté, et de l'âme et du corps, vous donne la santé et bénisse le jour autant que le désir le plus humble de ceux que votre amour inspire. Je suis fort obligée à ce souhait pieux. Mais prenons une chaise, afin d'être un peu mieux. Comment de votre mal vous sentez-vous remise? Fort bien.